toi qui sais combien, mon Dieu, c'est fragile un amour. Pourquoi l'avoir laissé mourir sans lui porter secours? C'était un fleuve ivre de vie, mais la source s'est tarie. Oh mon Dieu, pourquoi mon Dieu? Il n'y a plus que l'amertume dans mon cœur qui se consume. Oh mon Dieu, pourquoi mon Dieu? Qu'adviendra-t-il de moi, mon Dieu? Qu'adviendra-t-il de moi, de nous? On peut sourire, on peut souffrir, on peut mourir d'un souvenir. Pourquoi mon Dieu? Pourquoi? Fragile un amour. Pourquoi l'avoir laissé brûler au soleil de mes jours? Il n'y a plus que son ombre portant le chagrin du monde. Pourquoi mon Dieu? Je n'ose même plus attendre qu'il renaisse de ses cendres. Oh mon Dieu, pourquoi mon Dieu? Qu'adviendra-t-il de moi, mon Dieu? Qu'adviendra-t-il de moi, de nous? On peut sourire, on peut souffrir, on peut mourir d'un souvenir. Pourquoi mon Dieu? Pourquoi mon Dieu? Pourquoi mon Dieu? Pourquoi, mon Dieu?